L'actualité à Nancy et ailleurs. Dans le cadre de la quinzaine de la non-violence du MAN Nancy, qui se déroule du 21 septembre au 2 octobre, eh bien, se déroulera le mardi 25 septembre une pièce à la MJC Pichon. Bienvenue, Parole de migrants, par la compagnie La Tribouille. Pierre Robat, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien de la compagnie La Tribouille et c'est vous qu'on verra sur scène ce jour-là, en compagnie de Daniel Trutet, qui est violoncelliste. Donc vous venez à l'invitation du MAN Nancy, Mouvement pour une alternative non-violente. Cette pièce, Bienvenue, Parole de migrants, de quoi parle-t-elle ? Alors, cette pièce, il faut la considérer comme un dialogue voix-violoncelle. Oui. C'est vraiment une rencontre entre les paroles que j'ai recueillies auprès des migrants qui vivent dans des squats à Nantes depuis pas mal d'années, avec qui je travaille, moi, depuis en gros 2014, et avec lesquels je continue à travailler d'ailleurs. Et donc, c'est des échanges, c'est des ateliers théâtre, d'écriture, etc. Et ce spectacle, il est né au départ en 2015, à la demande de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. On faisait une fête de la solidarité et ils savaient que je travaillais avec les migrants. Et donc, ils m'ont demandé si ça les intéressait de jouer un spectacle, de présenter des choses. Et comme on avait un foisonnement de paroles, etc., je leur ai proposé aux gars qui travaillaient avec moi s'ils étaient d'accord. Et la première version du spectacle, c'est eux qui jouaient dans leur langue. Ça a très bien marché et il se trouve que malheureusement, après la première, il y a eu un attentat dans un des squats. Et les gars ont dit, on veut plus rencontrer les gens, on veut plus voir personne. Voilà. Moi, j'ai respecté ça. Et au bout de quelques mois, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour que je prenne qu'ils me confient leurs paroles, leurs textes, et que je continue à essayer d'irriguer avec ces paroles-là un peu partout sur le territoire. Et ils ont été d'accord. Et c'est de là qu'est née cette volonté de faire entendre ces paroles, ces mots des migrants qui vivent des situations complètement désespérées, complètement inhumaines sur notre territoire. Cette pièce, alors, elle a été créée sur Nantes, hein, parce que vous êtes une compagnie nantaise. Tout à fait, oui. Et vous l'avez présentée maintenant depuis plusieurs années, un peu partout. Voilà, exactement. Ça fait 2 ans et demi qu'elle tourne, à la fois dans des collèges, dans des lycées, en rue, dans des parcs, dans des lieux dédiés aussi à la culture, entre guillemets, hein, les théâtres, dans toutes sortes de réseaux. En fait, c'est aussi pour amener un questionnement sur l'accueil, sur le voyage, sur la migration. Et c'est pour ça que pour moi, et pour Daniel, c'est très intéressant de rencontrer des publics qui ne sont pas forcément des publics militants, avertis, etc. Dans la rue, par exemple, on ne fait pas, nous, des festivals de rue, on joue, on est acheté, programmé, et on se pose dans certains quartiers comme ça, ou dans des squares. Les gens ne savent pas forcément qu'on va jouer et qu'il va y avoir un spectacle. Et ça, c'est ce que moi j'aime, ce sont des rencontres improbables avec un questionnement sociétal. D'un coup, on a des gens qui arrivent, on va avoir 10, 20, 50, 150 personnes, jusqu'à 200 personnes, comme ça, de manière un peu improbable, qui écoutent. Alors, c'est vrai que le violoncelle attire aussi pas mal au départ, et puis qui sont confrontés à des textes écrits par ces personnes-là, par ces migrants. Moi, j'ai pas changé un seul mot de leur texte, donc il y a des fautes de syntaxe, etc. Et après, il y a un petit échange qui se fait. Et j'aime que l'art serve aussi à ça, c'est-à-dire on jette des graines comme ça, on ne sait pas ce que ça va donner. Avec les jeunes, c'est pareil. Dans les collèges ou dans les lycées, ils écoutent ce spectacle. Alors, ils ont une version un peu plus courte qui dure une demi-heure. Et puis après, il y a un petit échange. Et après, on fait un atelier d'écriture avec eux pendant une heure. Mais ce qui est intéressant pour moi, là, c'est qu'on est juste des déclencheurs. On ne sait pas ce qui va se passer. Je trouve que l'art a cette fonction-là aussi, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un public averti, c'est pas forcément un public culturel, c'est pas un public de militants, c'est les gens, voilà. Je sais pas qui ils sont, et ça me plaît. Là, on va jouer le 25 à Nancy devant un public un peu plus averti. Bon, ça nous conforte, ça fait du bien, mais je trouve qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aller rencontrer les gens là où ils sont. Moi, des fois, j'ai joué dans des supermarchés, dans des halls de gare, où les gens ne s'attendent pas à ça. Alors, cette soirée du 25 septembre, elle n'est pas destinée qu'à des personnes averties. Bien sûr, tout le monde est invité à venir vous voir sur scène. Un mot sur la mise en scène, justement. Vous avez dit que c'était un dialogue avec Daniel Trutet, mais lui qui est musicien et au violoncelle. Il a créé les musiques avec moi autour de ce qu'on voulait faire entendre et que la musique soit pas simplement un support, mais qu'elle parle elle-même, qu'elle raconte quelque chose. Et que par moments, on sente que les paroles des migrants faisaient écho à cette musique qui est beaucoup plus occidentale, entre guillemets, hein, même si l'univers de Daniel Truté est chargé de plein de formes et de plein de recherches dans les musiques du monde. Mais c'était pour moi une illustration, entre guillemets, entre ce dialogue nécessaire pour construire notre, ce que j'appelle moi le voyage d'humanité. Si on veut continuer à faire ce voyage, il faut qu'on apprenne, réapprenne à dialoguer. Et juste pour l'anecdote, en fait, quand on a ouvert un squat en 2014 à Nantes, un des squats qui est fermé depuis, qui a été expulsé, j'avais organisé avec d'autres copains une fête dans le quartier pour que les gens du quartier viennent et accueillent aussi les migrants. Et Daniel était venu jouer sous un magnifique chêne. Et les migrants découvraient pour la plupart, enfin je dirais même à 100%, ils découvraient le violoncelle. Et le violoncelle a cette chose extraordinaire, c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix humaine. Et j'ai vu ces gars qui ne connaissaient pas cet instrument, qui se sont mis à pleurer, qui se sont mis à avoir une émotion extrêmement lisible et visible, comme ça. Et je me suis dit, il faut qu'on garde cette force-là. Et quand il y a eu cette opportunité de créer un spectacle avec les textes, j'ai tout de suite pensé au violoncelle de Daniel. Alors, bienvenue, Parole de Migrants, un spectacle à venir, à découvrir le mardi 25 septembre à l'MJC Pichon à Nancy, 7 boulevard du Recteur Seine. C'est à 20h. Les tarifs, c'est 10 et 5 euros. Et aussi pour vous rencontrer et échanger avec vous à cette occasion-là. Tout à fait. À la suite du spectacle, on peut avoir effectivement un échange pour parler de ce qui se passe à Nantes, mais ailleurs aussi, hein, et confronter aussi nos expériences et comment on peut vivre ça, on va dire, différemment et amener une alternative un peu plus heureuse à ce que vivent ces gens. Voilà, merci Pierre Roba, donc comédien pour La Compagnie, La Tribouille. Merci encore. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.